Peu après, Armande annonce à sa mère Philaminte la décision de Chrysale de faire épouser Henriette par Clitandre. Mais Philaminte, vexée de constater que Clitandre n'a jamais fait grand cas de ce qu'elle écrit, est prête à contre-attaquer. En présence de Clitandre, qu'elle n'a pas vu entrer, Armande, dépitée de se voir délaissée par Clitandre au profit d'Henriette, en rajoute encore sur le peu d'intérêt que Clitandre porte aux œuvres de Philaminte. Mais Clitandre intervient en s'adressant d'abord à Armande. Vos charmes ont d'abord possédé tout mon cœur. Il a brûlé 2 ans d'une constante ardeur. Il n'est soit empressé, devoir, respect, service, dont il ne vous est fait d'amoureux sacrifices. Tous mes feux, tous mes soins ne peuvent rien sur vous. Je vous trouve contraire à mes vœux les plus doux. Ce que vous refusez, je l'offre au choix d'une autre. Voyez, est-ce madame ou ma faute ou la vôtre? Mon cœur court-il au change, ou vous qui l'y poussez? Est-ce moi qui vous quitte, ou vous qui me chassez? Clitandre s'adresse ensuite à Philaminte elle-même. Eh, madame, voyez votre choix, je vous prie. Exposez-moi de grâce à moins d'ignominie, et ne me rangez pas à l'indigne destin de me voir le rival de monsieur Trissotin. Sauf chez vous, on le prise en tout lieu ce qu'il vaut. Et ce qui m'a 20 fois fait tomber de mon haut, c'est de vous voir au ciel élever des sornettes que vous désavoueriez si vous les aviez faites.